Deuxième partie. Au pied de la tour Eiffel, Paul rencontre Monsieur le voisin. Hey, monsieur le voisin. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, Paul. Qu'est-ce que vous faites ici? Rien. Moi, je monte à la tour. Il fait beau aujourd'hui. Il fait chaud. Vous venez avec moi? Merci, mais je n'ai pas assez d'argent. Combien est-ce que vous avez? 5 centimes, ce n'est pas assez. Ça ne fait rien. Je vais prendre 2 billets. Oh, monsieur le voisin, vous êtes trop aimable. Pas du tout. C'est un petit cadeau. Mais venez donc.